Mettre la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Gaël. Vous êtes en direct sur la radio des Boutières et ce soir, la musique qui nous trotte tout au fond, eh ben, ce sera de la musique indienne parce que je ne suis pas seul, je suis avec Chacha. Salut Chacha. Bonjour. Donc Chacha qui a la chance de venir d'Inde, d'être originaire d'Inde. Et qui va du coup nous faire découvrir et ben, cette musique à laquelle je ne connais absolument rien. Donc merci Chacha, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Donc on va faire ce podcast, pas vraiment sous forme de ping-pong, parce que je ne pourrais pas répondre en fait. Si tu me proposais des chansons, j'aurais pas grand-chose à passer, à part Anushka Shankar et Ravi Shankar, et peut-être Norah Jones. Bon, ça ferait trois et ça ne serait pas très intéressant, parce que déjà, je les ai déjà passées en fait. Donc du coup, ça ne serait pas très intéressant. Toi, tu vas pouvoir nous faire découvrir plein de morceaux. Par quel morceau tu voudrais nous initier à la musique indienne? Donc on va commencer avec le Gayatri Mantra. C'est chanté par Shankar Mahadevan. Et en fait, le Gayatri Mantra, c'est un chant religieux qui sert de début de n'importe quel... quand tu entreprends quelque chose. D'accord. Donc, alors, je suis désolé, je vais poser des questions bêtes, mais du coup, religieux, ça veut dire bouddhiste? Non, pas hindouiste. Hindouiste. Ben hindouiste. Oui. Et ça vient des textes qui sont très, très anciens. D'accord. Ça a été daté entre 1200 et 1500 avant Christ. Ok. Et voilà, donc ça vient de là. Donc ça, c'est le début à tout morceau, en fait. C'est le début de quand tu commences une année ou quelque chose de nouveau. D'accord, donc pour commencer une émission, c'est parfait. Alors. Oui. Super, donc le Gayatri Mantra. भर्गो देवस्य धीमहि चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Donc on écoutait le Gayatri Mantra. Mantra, Chacha, ça veut dire quoi en fait? Le mantra, c'est le mot que tu as utilisé. Alors, moi je disais psalmodier, quelque chose qui est psalmodier, mais je ne sais pas si ça correspond bien en fait. C'est un texte religieux donc qui est répété en boucle en fait. Là, pendant qui est répété en boucle, qui évoque souvent, dans ce cas-là, quand on dit le mot Om, on appelle l'univers pour guider dans des débuts, dans des nouveautés, pour que tout se passe bien. Donc. Oui. Voilà, bah, je suis sûr que cette émission va bien se passer du coup. On a bien commencé. Du coup, est-ce que Shankar Mahadevan, je vais prononcer absolument n'importe comment tous les noms, je suis désolé, je m'excuse d'avance, Chacha. Mais du coup, c'est un chanteur traditionnel? Non, en fait, Shankar Mahadevan, c'est un chanteur assez jeune. Et il chante plusieurs sortes de musique et il a fait un album où il y avait des textes religieux, dont le Gayatri Mantra. Et sinon, il chante beaucoup pour les films parce que là, c'est vraiment, on a une culture musicale de films en Inde qui alors est ça, énorme. Oui, alors moi, elle est pas énorme du tout, mais je crois avoir regardé un jour un film de Bollywood en entier. Et ça durait peut-être 3 heures, j'ai tenu jusqu'au bout, c'était très, assez intéressant. C'était un peu long, mais c'était intéressant. Donc mais voilà, ma culture s'arrête là, je sais plus lequel c'était d'ailleurs. Voilà, donc lui, il... En fait, une grande partie des chanteurs qui sont connus en Inde, c'est des chanteurs de films. Et c'est des acteurs donc aussi? Non. Ah pas du tout. C'est le playback. Ah oui, donc ils sont doublés par d'autres acteurs. Oui. Enfin, ils sont... D'accord. Leur incarnation, c'est pas eux. Oui. Dans les années 50, oui. Les acteurs chantaient aussi. D'accord, mais ça c'est fini. Oui, là c'est plus vraiment le cas. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu peux nous faire écouter un autre titre du coup de ce chanteur? Voilà, donc on va passer sur un morceau qui est complètement différent, qui s'appelle Breathless. Et okay. La spécialité de cette chanson que vous avez écoutée, c'est que en principe, on n'entend pas la respiration. C'est pour ça que ça s'appelle Breathless. जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है खुशबू की आंधी है महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं महकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं कोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं जागी उमंगे है धड़क रहा है दिल सांसों में तू पाए होठों पे नगमे हैं आंखों में सपने हैं सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं जब कोई आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे जैसे कोई चुपके सितार बजाए जैसे कोई चांदनी रात में गाए जैसे कोई हौले से पास बुलाए कैसी मीठी बात थी वो कैसी मुलाकात थी वो जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पानी है कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर उसने बताया मुझे और समझाया मुझे हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे ख्वाबों के दर जैसे आंखों में घुलने लगे ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगी थी ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तनहा तनहा ना तो कोई अरमा है ना कोई तमन्ना है ना कोई सपना है अब जो मेरे मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं. Donc là, c'était Shankar Mahadevan, encore avec un titre qui s'appelle Breathless. Et en effet, il ne respire pas beaucoup. Voilà. Ça doit être coupé au montage, j'imagine, parce qu'il doit quand même avoir besoin de respirer. Bah, j'ai vu une vidéo d'un live où on entendait quand même les respirations, mais c'était très, très court. D'accord. Il trouvait des... Ah, donc il l'a déjà quand même bien travaillé pour que ça ne s'entende pas. D'accord. Du coup, est-ce qu'on pourrait parler quand même un peu des instruments, sachant que du coup là, on est quand même plus sur de la musique électronique essentiellement. Oui, oui. Donc ça, c'est bien. Pour moi, la musique indienne, c'est le sitar, mais en fait, pas du tout. C'est la musique indienne des années 30, quoi. Non, la sitar, elle est plus utilisée pour tout ce qui est classique. C'est vraiment pour la musique classique. D'accord. Donc, ça se joue en accompagnement de chansons. Quand tu dis classique, du coup, est-ce que ça a un lien avec la religion? On pense non. Non, pas du tout. Non, c'est la même chose. C'est comme si on disait la musique classique occidentale. D'accord. Il y a des styles de musique classique en Inde. Il y a la musique classique du Nord et la musique classique du Sud. Et donc il y a des. C'est écrit un peu comme. En fait, il y a les mêmes 7 notes. Que dans la musique française, on va dire. Oui. Mais c'est assemblé dans plusieurs. En fait, ils ont déterminé un arrangement de notes pour créer des ragas qui évoquent souvent des temps de journée ou des saisons ou des choses comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait plus de 500. Raga déjà. D'accord. Écrite. Ouais, alors plus précisément, on dirait des modes en fait. C'est de la musique modale et donc chaque raga a son mode. Oui. En fait, j'avais un ami qui joue toujours du sitar indien quand j'étais à la fac à Saint-Étienne et c'est un des seuls et à mon avis un des meilleurs profs de sitar indien en France. Il fait des concerts très régulièrement avec des tablaïstes notamment indien. Lui, il a passé pas mal de temps en Inde. Il s'appelle Nicolas Delegue. Si vous voulez regarder, il vivait autour de Clermont-Ferrand pendant longtemps. Il doit être à Lyon maintenant. Et c'est vraiment un instrumentiste. Je pense que c'est le meilleur instrumentiste que j'ai jamais rencontré. Enfin, c'est quelque chose de complètement virtuose, le sitar. Et du coup, il expliquait qu'avec seulement cette note, on pouvait aller tellement plus loin qu'avec tous nos accords, en fait. Il y a ce côté-là. Du coup, c'était peut-être un peu enfermant. Enfin, ça peut paraître enfermant de se dire on n'a pas d'accord, en fait. C'est une musique qui évolue sans accord, mais du coup, qui permet d'aller bien plus loin en termes mélodiques. Donc voilà, je vous conseille quand même d'écouter la musique traditionnelle indienne aussi. Mais donc ce soir, c'est pas ce qui va nous intéresser principalement. Ouais, j'aime beaucoup un artiste qui est américain à la base, qui s'appelle Shankar Thakur. Ok. Mais il s'intéresse beaucoup à la musique indienne et il joue la clarinette. D'accord. Et il compose lui-même des chansons aussi des chansons indiennes avec d'autres artistes indiens. Donc là, c'est une chanson qui s'appelle Bavaria, qui est jouée par Shankar Thakur et aussi un couple qui s'appelle Mati Bani. Et le but de ce couple, c'est de rejouer de la musique folk et traditionnelle indienne avec plusieurs artistes modernes. Tere re nore re nona, tere re nore re nona. C'était donc Mati Bani, c'est ça? Pardon, je n'ai pas remonté ton micro. Donc Mati Bani, merci beaucoup. Oui. Avec Shankar Thakur. Merci de le prononcer parce que j'y arriverai pas. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur le sitar et après je te laisse tranquille avec ça parce que finalement c'est pas le sujet du jour. Mais pour situer un peu pour nos auditeurs, le sitar c'est un instrument qu'on a nous en tous les cas en France et puis en Europe essentiellement entendu avec les Beatles en fait. Donc je voulais passer notamment un titre que j'adore qui s'appelle Norwegian Wood, un titre des Beatles qui est sorti sur Rubber Soul. En 1965, parce que les Beatles ont fait un pèlerinage en Inde pendant un mois ou deux, finalement, parce qu'ils ne devaient pas pouvoir se permettre de partir bien plus longtemps. Et ils étaient dans la ville où mes parents habitent. D'accord. Ah bah oui. Et ils ont joué avec un de mes profs de musique, qui est lui le prof de ma mère aussi. D'accord, génial. C'est ça. Voilà. Ah bah c'est une belle histoire, ça. Ah oui, donc voilà, je suis pas si loin avec les Beatles. Voilà, j'aime beaucoup ce titre. En tous les cas, on écoute Norwegian Wood des Beatles. Alors, allez, un autre point de montage. On a bien fait de pas la faire en direct. C'était donc les Beatles avec Norwegian Wood pour vous faire entendre le son du sitar. C'est en fait une grosse guitare. Comment décrire le sitar? Ça ressemble à une grosse guitare. On joue ça en tailleur. Oui. Je me rappelle que mon pote, il enlevait systématiquement sa chaussette pour pouvoir bien tenir l'instrument dans les moindres détails. Et en fait, il y a trois types de cordes. Il y a les cordes, il y a une corde sur laquelle on joue principalement et qu'on peut tirer jusqu'à la quinte. Voilà, ça c'est pour les musiciens. Donc on peut vraiment la tirer énormément. Donc ça fait des gros rails dans les doigts. Pour ceux qui se plaignent de la guitare, là, il y a vraiment, c'est vraiment un autre niveau. Il y a des cordes qu'on joue quasi que avec la main droite, donc plutôt rythmiquement. Et il y a des cordes de bourdon qu'on ne joue pas, mais qui résonnent. Et ça fait un paquet de cordes. À la sortie, peut-être une cinquantaine, oui. Je ne sais pas. Ouais, je sais pas combien, je pense que c'est plus dans les 30. Mais ouais, ça fait... D'accord, une trentaine alors. Ça fait beaucoup. Ok, donc ça c'était pour le sitar, mais il n'y a pas du tout que le sitar en Inde. Bien au contraire, et peut-être que tu peux nous parler des flûtes. Voilà, donc il y a la flûte traversière en Inde, c'est des flûtes de bambou. Et sinon, il y a la flûte aussi en bambou, mais... Droite. Ouais, d'accord. Voilà. Et il y a une région en Inde qui s'appelle le Kutch, qui est une région un peu désertique, pas loin de Pakistan. Et il y a beaucoup de nomades qui habitent cette région. Et ils ont un instrument qui est particulier à cette région, c'est deux flûtes droites. joué par la même personne. Dans la même bouche. Dans la même bouche. Ok. Et donc, il y a une des flûtes qui est une flûte sympathique, on va dire. Oui, alors on dirait d'accompagnement. De bourdon, ouais. De bourdon, c'est ce qui, voilà. Qui crée un bourdon et donc une note continue. Et il y a la flûte principale. D'accord. Super. Est-ce que tu peux nous faire entendre un extrait? Donc là, c'est un morceau encore chanté par Mati Bani, qui sont rejoints par Ankita Joshi et Nur Mohammad Soda, qui est le joueur de flûte. D'accord. Et on écoute ça tout de suite. Oh, Donc là, c'était la chanson Bunden Bunden. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le rag Megha. On parlait des modes. D'accord, donc là c'est un mode traditionnel. C'est un mode traditionnel et c'est, cette mode-là correspond à la saison de la mousson. Ok, donc la saison des pluies. La saison des pluies. D'accord, et alors quand on chante ce... quand on utilise ce, ce mode, ça fait pleuvoir. C'est... Je pose des questions bêtes. C'est plus la joie, parce qu'enfin il pleut, parce que souvent avant il y a eu l'été qui a fait très très chaud. En ce moment il y a la... il fait très chaud en Inde. D'accord. Donc tout le monde attend la pluie et donc c'est des chansons qui sont gaies, parce que en Inde on est content quand il pleut. D'accord. Bon, excuse-moi pour mes questions bêtes. Ok. Et du coup le texte n'est pas du tout traditionnel là. On, en fait, ce qu'on retrouve c'est juste le mode. C'est le mode. Et les paroles parlent de la mousson, des pluies. Oui. D'accord, donc le mode et le texte sont liés. Oui, tu peux avoir des textes dans toutes les langues, parce qu'il y a plusieurs langues en Inde. D'accord. Donc tu peux avoir plusieurs chanteurs qui chantent le rag Megh. Ok. Mais pas du tout de la même façon, et pas, qui ne disent pas exactement la même chose. Mais tu auras toujours ces sept notes dans l'ensemble, cette mode. Ok. Et au niveau rythmique, du coup, il n'y a pas de lien rythmique avec le rag. On fait ce qu'on veut. Ou un rag définit une rythmique. Je pense que c'est... Je ne sais pas, en fait. Parce que là, on avait une rythmique très particulière qu'on oui. qu'on ne retrouve pas en Europe, en fait. C'était une sorte de 6-8, donc 6-8... Nous, on ne le jouerait pas du tout comme ça, donc c'était assez intéressant. Et a priori, dans ce qu'on entendait, il y a aussi beaucoup de musique en 3, en 5, en 7 temps. Du coup, c'est vrai que là, ça nous éloigne énormément. Et nous, ça nous paraît très virtuose, en fait. Oui, mais je pense que c'est plus lié à l'émotion que tu veux évoquer. Donc, tu choisis la rythmique. En fonction de ce que tu veux évoquer. Oui. D'accord. Et alors, quel instrument dirige la rythmique? Il n'y a pas de... Enfin, si, là, il y avait un batteur, en fait. Il y avait un batteur, et sinon, souvent, c'est le tabla. Le tabla, oui. Comment on pourrait décrire le tabla? C'est deux instruments à percussion C'est deux instruments, il y a un basse et un plus aigu, et c'est assez mélodique, parce que plus tu appuies, plus tu changes de note. Moi, je trouve que ça fait un peu des bulles. Ça me donne un peu doum, doum, oui. doum, ce son-là. Je trouve que c'est magnifique comme instrument. D'accord, donc c'est le tabla quand même, enfin, au niveau traditionnel, c'est le maître des instruments rythmiques. Encore dans la musique traditionnelle. Voilà. Parce que dans la musique folk, t'as plus des tambours qui se jouent avec des bâtons. D'accord. Qui s'appellent le dhol. Le dhol, d'accord. Donc ça sonne bien, c'est le dhol. Dhol, oui, ça porte bien son nom. D'accord. Voilà. Et en parlant de musique folk. Oui. Donc là, on va passer sur une chanson qui s'appelle Dane Pedana. Et c'est chanté par Komal Rizvi et Aktash Chanal Zahari. Et lui, c'est un musicien folk, mais qui vient de Baloutchistan, qui est une région au Pakistan. Ok. Et voilà, donc ça parle de la beauté de Baloutchistan. Et après, en fait, c'est deux chansons qui sont rejointes dans ce morceau. Et la deuxième chanson parle d'un mystique qui est nomade. D'accord. Donc, c'est aussi sur la beauté, sur la région et sur ce que ça évoque dans l'esprit. D'accord. Voilà. Eh bien, on écoute tout de suite. Merci. बड़ी बाव का ना बच बाव साफ़ ये टिकटी सुनी अरे बीरन माजंगी खाने ना भूले बीए बाला सिंधे सरमंदस कने खार चानोरी ओ दाना पताने दाना ना ओ दाना पताने दाना ना ओ दोती लगाने ना ना ना ओ आजा तफक्कने ड्रानना ओ आजा तफक्कने वामना ओ जीजी व जीजी साकना ओ सेकुम मारा जाकना ओ जीजी व जीजी मंदरी बारी ईद का वाकन तो अंतरी ओ जीजी व जीजी सुमरो कप फाजा खुदा से जो Ali Donc là, c'était Dana Pedana. Et c'était sur une émission pakistanaise qui s'appelle Cook Studio. D'accord. Qui essaye de faire jouer les chanteurs folk et les musiciens. D'accord, mais c'était très chouette en tout cas. Donc ça, c'est la musique folk. La musique folk. Du Pakistan. Ok, donc le Pakistan, comme tu m'expliquais, c'était avant relié à l'Inde. Oui. Donc du coup, c'est pour ça que la culture est finalement la même et la musique est presque la même. Non, pas exactement, parce que le Pakistan est plutôt musulman. C'est pas hindouiste, oui. C'est pas hindouiste, et donc ils ont dans la musique, ils sont plus en Inde, on appelle ça un peu plus soufi. D'accord. Voilà, c'est légèrement différent. D'accord. Et le Bangladesh alors? Le Bangladesh aussi, c'est musulman, mais ils ont une influence plus nord-est de l'Inde, donc c'est un peu influencé par, je sais pas si c'est la Chine, mais en tout cas il y a une influence qui est un peu différente. L'Inde est énorme. Oui, c'est 5 fois et demi plus grand que la France. Ah oui, voilà, c'est donc bien de resituer, merci. Il peut y avoir des disparités énormes entre les provinces, quoi. Et il y a des cultures très très différentes, c'est comme si on réunissait toute l'Europe. Oui, d'accord. Donc l'Inde du Sud, la musique, elle est très différente dans l'Est, dans le Nord. C'est bien de resituer parce que de loin, on ne se rend jamais bien compte. Voilà. Et donc toi, tu es originaire de quelle partie de l'Inde? Du Nord. Du Nord, d'accord. Ouais. Qui a une frontière du coup avec C'est pas loin de Népal, on va dire. D'accord. Le plus proche. Ok, merci. Non, mais il faut faire simple. Merci beaucoup. Du coup, on a parlé de pas mal d'instruments et j'aimerais quand même parler du violon parce que toi, tu es musicienne et tu as commencé par le violon. Oui. Et du coup, le violon, comment on en joue en Inde? Donc, le violon traditionnel qui est surtout joué dans l'Inde du Sud, et c'est le violon comment on joue. C'est la forme de l'instrument est le même, sauf qu'on le cale entre les pieds, on est assis par terre. On cale la manche entre nos pieds. Ça nous laisse une liberté de la main pour glisser. Pour les démancher, donc, oui. C'est ça. D'accord. Donc toi, tu as appris comme ça? J'ai commencé comme ça, après j'ai changé. Ah, pourquoi tu as changé alors, si je Parce peux, que j'ai changé d'école. Tu as changé d'école et c'était une école qui était plus occidentale? Oui. C'est ça? D'accord. Et du coup, tu n'apprenais pas de la musique indienne dans cette deuxième école? Non, il n'y avait plus de cours pour le violon, en tout cas. Joué comme une indienne, donc j'ai joué comme occidentale. D'accord. Bon, bah super. Et du coup, si tu pouvais nous faire écouter un peu de violon indien pour qu'on se fasse une idée de comment on fait sonner le violon en Inde. Donc, le joueur que j'ai écouté qui m'a fait commencer le violon, c'est L. Subramaniam. Ok. Et qui vient du sud de l'Inde. Et donc, on va. Je sais pas. Le morceau exactement, si ça sera l'Inde du Sud, mais voilà. On écoute un raga, est-ce que tu sais quelque chose sur ce raga? D'accord, on écoute un raga donc de Subramaniam, j'essaie de prononcer mais c'est pas terrible. C'est parti. Mm-hmm. Voilà pour le violon indien. Il faut préciser quand même que ce qu'on entend est entièrement improvisé. Oui. Alors il y a 7 notes de base à partir desquelles on va jouer, et puis c'est tout, après c'est parti quoi. Après il y a une liberté énorme pour chaque musicien de l'interpréter comme il veut, de prendre le temps qu'il veut. Donc souvent les ragas qu'on entend c'est très très long, parce que ça dépend entièrement sur le joueur. Et là, c'est 19 minutes, par exemple. Donc, on accélère un peu. 10 minutes plus tard, on en est là. Alors, c'est vrai que là, nous, à mes oreilles, personnellement, je n'ai pas vu de grande évolution, mais c'est quelque chose peut-être de très méditatif aussi. Il faut peut-être le vivre comme ça. Aussi, je vois que ça s'appelle Alap. Oui. Et Alap, c'est le début. Donc, c'est une introduction. D'accord. Donc c'est il se met dans le... Donc, après, il peut jouer encore pendant une heure sur le même mode. Sur le même mode, d'accord. Bon, on avance encore de 5-6 minutes. Et on est bien dans cet esprit-là encore, d'accord. Ouais. L'instrument qu'on entend derrière, ça s'appelle comment ? Le tanpura. Donc ça, c'est pas un sitar, c'est une sorte de mini-sitar, en fait. C'est une sorte de... Ça ressemble, sauf qu'il y a très peu de cordes. Et c'est toujours un accompagnement. Ça se joue toujours. C'est un rythmique, presque. Parce que tu joues les 4 notes, on continue. Et ça sert donc de base, en fait, pour improviser. Ok, eh ben super, merci beaucoup. Alors, on va peut-être faire un grand écart, du coup. Maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ? Voilà, donc, on va passer... je parlais des films tout à l'heure. Donc, il y a un acteur ? Non. Un musicien. Oui. Un musicien et un compositeur. Ok. On dit compositeur. Très bien. Un compositeur de l'Inde du Sud, comme on est dans l'Inde du Sud, qui s'appelle E.A. Rahman. D'accord. Qui est très très connu, qui a fait des très grands films. Et là, c'est une chanson qui s'appelle Yejo Des Hai Tera. Et c'est une chanson patriotique, presque. D'accord. Parce que c'était créé. Pour un film où on parle des... Parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qui vont vivre dans des pays ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, en France, un peu partout. En Ardèche aussi. C'est très bien. Et, mais on se souvient, on a des souvenirs de l'Inde. Et de plus en plus, il y a des Indiens qui retournent vivre en Inde. D'accord. Parce qu'ils aiment ça. Ouais, non mais... Et donc, c'est une chanson qui dit que ce pays, ça sera toujours ton pays dans l'âme. D'accord. Ouais. Ouais, c'est très beau. Et donc, c'est extrait d'un film, ou pas c'est du tout ? C'est extrait d'un film. Bon, ça va, je suis. Eh ben, on écoute tout de suite. Koi ek तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। है क्या कमी, यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहां कोई तो तुझे अपना माने, आवाज दे तुझे बुलाने वही दे। पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहे, तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए, जाए तो किस दिशा में जाए वही दे। Voilà, je suis désolé, on coupe un peu. Donc c'était, alors en français je dirais A.R. Rahman. Enfin, français, A.R. Rahman, oui. Rahman. D'accord, et toi avec ton accent ça donne A.R. Rahman. Ah oui, rien à voir. Ok, donc c'était de la musique de film, comme tu me le disais. Oui. Et on a le temps d'écouter un dernier morceau. Qu'est-ce que tu nous proposes pour finir en beauté? Donc le dernier morceau aussi est un musique de film, mais par contre celui-là est chanté par Rehat Fateh Ali Khan, qui est le neveu de Nusrat Fateh Ali Khan, qui est assez connu. Je ne connais pas. Ah. Je suis désolé. je suis désolé. Nusrat Fateh Ali Khan, c'est un chanteur pakistanais qui est mort il y a quelques années, mais qui était un très très très grand chanteur, qui était très connu en Europe. Ok, bon, désolé. Et donc là, c'est son neveu qu'on a entendu. Ouais. Et je disais que... Au Pakistan, il y a un côté qu'on appelle soufi. Mm-hmm. Donc là, c'est une chanson qui est soufi, mais qui s'appelle Dil To Bachcha Hai Ji. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que ton cœur reste toujours enfant. D'accord. Même si tu vieillis, parce que dans le film, ça parle d'un monsieur qui vieillit, mais qui tombe amoureux d'une jeune fille. Mm-hmm. Et donc, il parle de comme quoi... Peu importe l'âge, tu peux toujours être amoureux et ton cœur reste jeune. D'accord. Ah, j'ai vu un très beau film qui s'appelle Youth, enfin jeunesse, sur la thématique aussi de la vieillesse. Et voilà, ça m'y fait penser, c'est un très beau film que je te conseille aussi avec des très belles musiques. D'accord. Excuse-moi pour cette petite aparté. donc on écoute tout de suite. Je peux pas tenter de dire. Dil To Bachcha Hai Ji. Merci beaucoup. ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई कारी बदरी जवानी की छटती नहीं वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है चेहरे की रंगत उड़ने लगी है डर लगता है तन्हा सोने में जी दिल तो बच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं दांत से रेशमी डोर कटती नहीं उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई कारी बदरी जवानी की छटती नहीं पाजी भी होगा हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा आए जोर करे कितना शोर करे बेवजह बातों पे हमें गौर करे दिल सा कोई कमी ना में अब खाओगे धोखे डर लगता है इश्क करने में जी दिल तो बच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी घबरा रहे हैं सारी जवानी कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है यही देखता ही ना हो प्रेम की मारे कटार रे तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों आंखों से मेरी हटते नहीं क्यों डर लगता है कुछ से कहने मेरी दिल तो बच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी Et Bah, ça finissait comme un beau film indien. Voilà. Merci beaucoup, Chacha. On entend la petite musique de la fin d'émission. Je crois qu'il va falloir rendre l'antenne. J'en suis bien désolé. C'est passé super vite. Oui, très très vite. Et merci. Bah, merci beaucoup à toi pour toutes ces découvertes. C'est vrai que c'est super d'entendre un peu de musique qui nous rafraîchit les oreilles. Parce que voilà, on n'entend jamais ça, nulle part. Ouais. En tous les cas sur les radios françaises. Donc vous avez la chance d'avoir entendu de la musique indienne sur RDB, la radio des Boutières. J'espère que ça vous a plu et encore merci à toi Chacha pour toutes ces découvertes. Merci d'être venu, c'était super. Merci à toi. Et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt, c'est-à-dire certainement à la semaine prochaine. En attendant, écoutez bien de la musique et portez-vous bien. Ciao.